lui inspirer. Une pitié généreuse, tout m'est refusé, madame. Et dans cet état accablant, c'est à vous à qui j'ai recours. Je me jette à vos genoux, je vous confie mes plaintes. Que faites-vous, seigneur? J'implore vos conseils et votre secours auprès d'elle. Après ce que je viens d'entendre, c'est au Dieu à qui j'en demande moi-même. L'ennemi de Dieu est dans votre cœur, croyez en ce qu'il vous inspire. Mon cœur, ciel, c'est peut-être l'ennemi de mon repos. Que vous voulez que je confie? Serez-vous moins tranquille pour être généreux? Profession, vous aimez la vertu, dites-vous. Est-ce l'aimer que de venir la surprendre? Appelez-vous la surprendre que de l'adorer? Quels sont vos desseins? Je vous ai consacré ma vie, j'aspire à l'unir à la vôtre. Ne m'empêchez pas de le tenter. Souffrez-moi quelques jours ici seulement. C'est à présent la seule grâce qui soit l'objet de mes souhaits. Et si vous me l'accordez, je suis sûre d'Hermocrate. Vous souffrez ici? Vous qui m'aimez? Mais qu'importe un amour qui ne fait qu'augmenter mon respect. Un amour vertueux peut-il exiger ce qui n'est pas? Quoi? Voulez-vous que mon cœur s'égare? Que venez-vous faire ici, Faucion? Ce qui m'arrive est-il concevable? Quelle aventure, ciel, quelle aventure! Faudra-t-il que ma raison y périsse? Faudra-t-il que je vous aime? Moi qui n'ai jamais aimé, est-il temps que je sois sensible? Car enfin, vous me flattez en vain, vous êtes jeune, vous êtes aimable! Et je ne suis plus ni l'un ni l'autre! Quel étrange discours! Oui, je l'avoue, un peu de beauté, dit-on, était déchu en partage. La nature m'avait départi quelques charmes que j'ai toujours méprisés. Peut-être me les faites-vous regretter. Mais je le dis à ma menti, ils ne sont plus, ou le peu qui me reste va se passer bientôt. De quoi sert ce que vous dites là, Léontine? Convaincrez-vous mes yeux de ce qui n'est pas? Espérez-vous me persuader avec ces grâces? Avez-vous jamais pu être plus aimable? Je ne suis plus ce que j'étais. Franchons là-dessus, madame, ne disputons plus. Oui, j'y consens. Toute charmante que vous êtes, votre jeunesse va se passer et je suis dans la mienne. Mais toutes les âmes sont du même âge. Vous savez ce que je vous demande? Je vais empresser Hermocrate et je mourrai de douleur si vous ne m'êtes pas favorable. Je ne sais encore ce que je dois faire. Hermocrate, viens, je vous servirai en attendant que je me détermine. Est-ce là le jeune étranger dont vous me parlez? Oui, seigneur, c'est lui-même. C'est moi qui ai eu l'honneur de lui parler le premier. Et j'ai toujours fait vos compliments en attendant votre arrivée. Vous voyez, Hermocrate, le fils de l'illustre Faucion que son estime pour vous amène ici. Il aime la sagesse et voyage pour s'instruire. Quelques-uns de vos pareils se sont fait un plaisir de le recevoir quelque temps chez eux. Il attend de vous le même accueil. Il le demande même avec un empressement qui mérite qu'on s'y rende. J'ai promis de vous y engager, je vous laisse ensemble. Et si mon suffrage vaut quelque chose, je le joue à celui de Léontine, seigneur. Et moi j'y ajoute ma voix par-dessus le marché. Je regarde comme des bienfaits ces instances qu'on vous fait pour moi, seigneur. Jugez de ma reconnaissance pour vous si elles ne sont pas inutiles. Je vous rends grâce, seigneur, de l'honneur que vous me faites. Un disciple tel que vous ne me paraît pas avoir besoin d'un maître qui me ressemble. Cependant, pour en mieux juger, j'aurai confidemment quelques questions à vous faire. Retire-toi. Je me trompe, seigneur, ou vous n'êtes pas inconnu? Moi, seigneur? C'est pas sans raison que j'ai voulu vous parler en secret. J'ai des soupçons. Mon éclaircissement ne demande point d'éclat, c'est à vous à qui je l'épargne. Et quels sont donc ces soupçons? Vous ne vous appelez point Faucion? Il se ressouvient de la forêt. Celui dont vous prenez le nom est actuellement à Athènes. Je l'apprends par une lettre de Mérécidès. Peut-être quelqu'un pseudonyme comme moi? C'est pas tout, c'est que ce nom supposé est la moindre erreur vous voulez nous jeter. Je ne vous entends point, seigneur. Cet habit-là n'est point le vôtre. Avouez-le, madame. Je vous ai vu ailleurs. Vous dites vrai, seigneur. Ah. Les témoins que vous voyez n'étaient pas nécessaires, du moins, ne rougissez-vous que devant moi. Si je rougis, je ne m'en rends pas justice, seigneur, et c'est un mouvement que je désapprouve. Le déguisement où je suis n'enveloppe aucun projet dont je dois être confuse. Moi qui entrevois ce projet, je n'y vois cependant rien de si convenable à l'innocence des mœurs de votre sexe. Rien que vous puissiez vous applaudir. L'idée de venir dans le Viagis, mon élève, d'essayer sur lui de dangereux appâts, de jeter dans son cœur un trouble presque toujours funeste. Cette idée-là, ça me semble rien qui doit vous dispenser de rougir, madame. Agis? Qui ce jeune homme qui vient de paraître ici? Sont-ce là vos soupçons? Ai-je rien en moi qui les justifie? Est-ce ma physionomie qui vous les inspire? Elle les mérite-t-elle? Et faut-il que ce soit vous qui me fassiez cet outrage? Faut-il que des sentiments tels que les miens me m'attire. Les dieux qui savent mes desseins ne me le devaient-ils pas épargner? Non, Seigneur, je ne viens point ici troubler le cœur d'Agis. Tout élevé qu'il est par vos mains, tout fort qu'il est de la sagesse de vos leçons, ce déguisement pour lui n'eût pas été nécessaire. Si je l'aimais, j'en aurais espéré la conquête à moindre frais. Il n'aurait fallu que me montrer, peut-être, que faire parler mes yeux. Son âge et mes faibles appâts m'auraient fait raison de son cœur. Mais ce n'est pas à lui à qui le mien en veut. Celui que je cherche est plus difficile à surprendre. Il ne relève point du pouvoir de mes yeux, mes appâts ne feront rien sur lui. Vous voyez que je ne compte point sur eux, que je n'en fais pas ma ressource. Je ne les ai pas mis en état de plaire, et je les cache. Tout ce déguisement, parce qu'il me serait inutile. Mais ce séjour que vous voulez faire chez moi, madame, qu'a-t-il de commun avec vos desseins? Si vous ne songez pas à Agis? Mais quoi, toujours Agis? Oh, Seigneur, épargnez à votre vertu le regret d'avoir offensé la mienne. N'abusez point contre moi des apparences d'une aventure peut-être encore plus louable qu'innocente, et que vous me voyez soutenir avec un courage qui doit étonner vos soupçons, et dont j'ose attendre votre estime quand vous en saurez les motifs. Mais ne me parlez donc plus d'Agis, je ne songe point à lui, je le répète. En voulez-vous des preuves incontestables? Ah, ne ménageront point la fierté de mon sexe, mais je n'en apporte ici ni la vanité ni l'industrie. J'y viens avec un orgueil plus noble que le sien, vous le verrez, Seigneur. Il s'agit à présent de vos soupçons, et deux mots vont le détruire. Celui que j'aime, veut-il me donner sa main? Voilà la mienne, Agis n'est point ici pour accepter les offres. Je ne sais non plus à qui elle s'adresse. Moi, je le savais, Seigneur. Je viens de vous le dire, je ne m'expliquerai pas mieux en nommant Hermocrate. Moi, madame. Vous êtes instruit, Seigneur. Je le suis, en effet. Il ne revient point du trouble, ce discours me jette. Moi, l'objet des mouvements d'un cœur tel que le vôtre. Seigneur, écoutez-moi, j'ai besoin de me justifier après la voix que je viens de faire. Non, madame, je n'écoute plus rien, toute justification est inutile. Vous n'avez rien à craindre de mes idées. Calmez vos inquiétudes, l'assumez de grâce, laissez-moi. Pas suis-je fait pour être aimé? Vous attaquez une âme solitaire et sauvage, à qui l'amour est étranger. Ma rudesse doit rebuter votre jeunesse et vos charmes, mon cœur en un mot, ne pourrait rien pour le vôtre. Mais je ne lui demande point de partager mes sentiments. Je n'ai nul espoir, et si j'en ai, je le désavoue. Mais souffrez que j'achève. Je vous ai dit que je vous aime. Voulez-vous que je reste en proie à l'injure que me ferait ce discours si je ne m'expliquais pas? Mais la raison me défend de l'entendre davantage. Mais ma gloire et ma vertu, que je viens de compromettre, veulent que je continue. Encore une fois, Seigneur, écoutez-moi. Vous paraître estimable, et le seul avantage où j'aspire, le seul salaire dont mon cœur soit jaloux. Qu'est-ce qui vous empêcherait de m'entendre? Donc je n'ai rien de redoutable, que les charmes humiliés par l'aveu que je vous fais, qu'une faiblesse. Que vous méprisez, que je vous apporte à combattre. J'aimerais encore mieux l'ignorer. Oui, Seigneur, je vous aime. Mais ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas ici d'un penchant ordinaire, c'est à vous que je vous fais. Il ne m'échappe point, je le fais exprès. Ce n'est point à l'amour à qui je l'accorde, il ne l'aurait jamais obtenu. C'est à ma vertu même à qui je le donne. Oui, je vous dis que je vous aime parce que j'ai besoin de la confusion, de le dire. Parce que cette confusion aidera peut-être à me guérir. Parce que je cherche à rougir de ma faiblesse pour la vaincre. Je viens affliger mon orgueil pour le révolter contre vous. Je ne vous dis point que je vous aime afin que vous m'aimiez. C'est afin que vous m'appreniez à ne plus vous aimer moi-même. Haïssez, méprisez l'amour, j'y consens, mais... faites que je vous ressemble. Enseignez-moi à vous ôter mon cœur. Défendez-moi de l'attrait que je vous trouve. Je ne demande point d'être aimée, il est vrai. Mais je désire de l'être. Ôtez-moi ce désir. C'est contre vous-même que je vous implore. Eh bien, madame, voici le secours que je vous donne. Je ne veux point vous aimer. Que cette indifférence-là vous guérisse. Et finissez un discours où tout est poison pour qu'il écoute. Le sage ne l'est-il au profit de personne? personne. Je ne suis point, madame. Eh bien, soit. Mais laissez-moi le temps de vous trouver des défauts et souffrez que je continue. Oh, que m'allez-vous dire encore? Écoutez-moi. J'avais entendu parler de vous. Tout le public est plein de votre nom. Non, passons de grâce, madame. Hein. Excusez ces traits d'un cœur qui se plaît à louer ce qu'il aime. Je m'appelle Aspasie. Et ce fut dans ces solitudes où je vivais comme vous, maîtresse de moi-même et d'une fortune assez grande, avec l'ignorance de l'amour, avec le mépris de tous les efforts que l'on faisait pour m'en inspirer. Ma complaisance est ridicule. Ce fut donc dans ces solitudes où je vous rencontrais, en vous promenant aussi bien que moi. Je ne savais qui vous étiez d'abord. Cependant, en vous regardant, oh, je me sentis émue. Il semblait que mon cœur devinait Thermocrate. Non, je ne saurais plus supporter ce récit au nom de cette vertu que vous chérissez, Aspasie. Laissons-la ce discours. Abrégeons, quels sont vos desseins? Ce récit vous paraît frivole, il est vrai, mais le soin de rétablir ma raison ne l'est pas. Mais le soin de garantir la mienne doit être encore plus cher. Le sauvage que je suis, j'ai des yeux. Vous avez des charmes et vous m'aimez. J'ai des charmes, dites-vous? Et quoi, Seigneur, est-ce que vous les voyez, craignez-vous de les sentir? Je ne veux pas même m'exposer à le craindre. Puisque vous les évitez, vous en avez donc peur. Vous ne m'aimez pas encore, mais vous craignez de m'aimer. Vous m'aimerez, Hermocrate. Je ne saurais m'empêcher de l'espérer. Vous me troublez, je vous réponds mal et je me tais. Eh bien, Seigneur, retirons-nous. Marchons, rejoignons Léontine. J'ai dessein de demeurer quelque temps ici et vous me direz tantôt ce que vous aurez résolu là-dessus. Allez donc, Aspasie, allez, je vous suis. J'ai pensé m'égarer dans cet entretien. Mais quelle partie vous dire que je prenne? Hein? Approche, Dimas. Vois ce jeune étranger qui me quitte. Je te charge d'observer ses actions, de le suivre le plus que tu pourras, d'examiner s'il cherche à entretenir Agis. Entends-tu? J'ai toujours estimé ton zèle. Et tu ne saurais me le prouver mieux qu'en t'acquittant exactement ce que je te dis là. Votre affaire est faite. Pas plus tard que tantôt, je vous apporte toute sa pensée. Depuis que ces nouveaux venus sont ici, il n'y a pas moyen de vous parler. Vous êtes toujours là, à chuchoter à l'école avec ce marmouset de valet. Mais c'est par civilité, mon ami. Mais je ne t'en aime pas moins, quoi que je te laisse là. Mais la civilité ne veut pas qu'on soit malhonnête envers moi, qui ici votre ancien camarade. Et pas le sanguin. Le vin et l'amitié, c'est tout un. Plus ils sont vieux tous deux, et mieux c'est. Cette comparaison est de bon goût. Nous en boirons tous les deux la moitié quand tu voudras. Et tu boiras ensuite à mes dépens. Diante, vous êtes à deux. Vous dites ça comme s'il en pleuvait. Avez-vous bien de quoi? Ne t'embarrasse pas. Bartuchou, vous êtes un fin marle. Mais Morgue, je suis marle et tout, moi. Et depuis quand suis-je devenu merle? Bon, ne s'avance pas que vous avez de la finance de l'encontre. Je vous en veux tantôt compter vous de somme. Il a raison. Voilà ce que c'est que de vouloir savoir son compte. Oh. Il baille dans le panneau. Écoutez, notre ami. Il y a bien des affaires, bien du tintamarre dans l'esprit de notre maître. Est-ce qu'il m'a vu aussi compter ma finance? Un pouvoirment, c'est bien pis. Faut qu'il se doute de toute la manigance. Car il m'a enchargé de faire ici le renard en tapinois pour à seule fin de défricher la pensée de ces deux personnes dont il a doutance par rapport à l'intention qu'elles avaient, dont il empêche d'avoir connaissance au juste. Vous entendez bien? Pas trop, non. Mais dis-moi, mon ami, je parle-t-on un renard? N'y apprendrez rien de ce renard-là. Il n'y a tant seulement qu'à voir ce que vous voulez que je lui dise. Premièrement d'abord, faut pas lui déclarer ce que c'est que ce monde-là, n'est-ce pas? Garde-t'en bien, mon garçon! Laissez-moi faire. Il n'a tenu qu'à moi d'en dégoiser, car je n'ignore de rien. Tu sais donc qui ils sont? Pas le guet si je le savons. Je les connaissons de Plante et de Racine. Bon, je croyais qu'avec moi tu les connaissais. Vous, par la morgue, peut-être que vous n'en savez rien. Comment? Que si? Oh. Ben, gâche que non, ça se peut pas. Ça n'est pas trop difficile. Oui, un peu l'opiniâtre, puisque je te dis qu'elles me l'ont dit elles-mêmes. Quoi? Ah, bah, qu'elles étaient des femmes. Elles sont des femmes? Comment, Fripon, est-ce que tu ne le savais pas? Ah non, Morgué, pas le mot, mais je triomphe. Oh, le vilain renard! Le maudit! Merde! Elles sont des femmes? Fatigué que je suis elle. Je suis misérable. Que tapage je m'en vais faire? Comme je vais m'ébaudir raconter tout ça, que plaisir! Dimas, tu me coupes la gorge! Je m'en balasse bien de votre gorge! Des femmes qui baillent de l'argent en derrière un jardinier, malgré qu'il les trouve dans son jardin, il y a un point de gorge qui tienne. Faut punir ça. Mon ami, es-tu friand d'argent? Je serais bien dégoûté si je l'étais pas. Mais où est-il cet argent? Je ferai financer cette dame pour racheter mon étourderie, je te le promets. Cette étourderie-là n'est pas à bon marché, je vous en avertis. Je conviens qu'elle est considérable. Mais par préambule, j'entends et je prétends que vous disiez toute cette friponnerie-là. Hassan, combien avez-vous reçu de cette dame? Tant en monnaie qu'en grosses pièces. Et parlez-en conscience. Elle m'a donné 20 pièces d'or. 20 pièces d'or? T'as que charté d'argent, ça fait. Voilà une histoire qui vaut une métairie. Et après, cette dame, que vient-elle patrouiller côté ici? C'est qu'Agis a pris son cœur en passant dans une promenade. Eh bien, que de ce qu'elle est-il? Et elle s'est mise comme ça afin d'escamoter aussi le cœur d'Agis, sans qu'il le voie. Fort bien. Tout ça est d'un bon revenu pour moi. Tout ça se peut, moyennant, que j'escamote tout. Et ce petit valet Almidas, est-ce tout une escamoteuse? C'est encore un cœur que je pourrais bien prendre en passant. Ça ne vous convient pas à vous qui êtes un apprenti docteur. Ah oh, ben tenez, voilà qu'elle vient. Faites avancer l'espèce. Il est avec le jardinier, il n'y a pas moyen de lui parler. Elles nous ont approché, dites-le que je suis savant sur la personne. Ne vous gênez point, car je suis un babillard, madame. À qui parles-tu, Harlequin? Non mais là, c'est plus de mystère. Il m'a fait causer, avec une attrape. Enfin, malheureux, tu lui as dit que j'étais. Il n'y a pas une syllabe de manque. Ah, ciel. Je savons la pâte de votre cœur. Et puis l'escamotage de Stila d'Agis. Je savons son argent. Il n'y a que Stila qui m'a promis que je ne savais pas encore. En effet, Corinne, mon projet est renversé. Non, madame, ne vous découragez point dans votre projet. Vous avez besoin d'ouvriers. Il n'y a qu'à gagner aussi le jardinier. N'est-il pas vrai, Dimas? Je suis tout à fait de votre avis, mademoiselle. Eh bien, que faut-il pour cela? Il n'y a qu'à m'acheter ce que je vaux. Hein. Le fripon ne vaut pas une obole. Tient-il aussi qu'à cela? Dimas, prends toujours d'avance ce que je te donne là, et si tu te tais, tu remercieras toute ta vie le ciel d'avoir été associé à cette aventure-ci. Elle est plus heureuse pour toi que tu ne saurais t'imaginer. Conclusion, madame. Me voilà vendu. Et moi, me voilà ruiné. Il vous suffit que je vous ferai riche tous deux. Mais dis-moi la vérité, Harlequin. Ne t'est-il rien échappé de mes desseins sur Agis? Je te cherchais pour savoir cela, ne me cache rien. Non, pas ma foi, mesdames. Il n'y a que ce routier-là qui m'a pris, comme avec un filet. Morgué, l'ami, il faut que la prudence vous coupe à présent la langue sur tout ça. Si tu n'as rien dit, je ne crains rien. Vous serez de Corinne à quoi j'en suis, avec le philosophe et sa sœur. Et vous, Corinne, puisque Dimas est des nôtres, partagez entre Harlequin et lui ce qu'il y aura à faire. Il s'agit à présent d'entretenir les dispositions du frère et de la sœur. Nous réussirons, ne vous inquiétez pas. Oh, j'aperçois un esprit, retirez-vous, vous autres. Surtout, prenez garde qu'Hermocrate ne nous surprenne en soi. Oh, je vous cherchais, mon cher Faucion, et vous me voyez inquiet. Hermocrate n'est plus si disposé à consentir à ce que vous souhaitez. Je n'ai encore été mécontent de lui qu'aujourd'hui. Il n'allègue rien de raisonnable. Ce n'est point encore moi qui l'ai pressé sur votre chapitre. J'étais seulement présent quand sa sœur lui a parlé pour vous. Elle n'a rien oublié pour le déterminer. Et je ne sais ce qu'il en sera, car une affaire qui demandait à Hermocrate et qui l'occupe actuellement a interrompu leur entretien. Mes chers Faucions, Qu'est-ce que je vous dis là? Ne vous rebute pas. Pressez-le encore. C'est un ami qui vous en conjure. Je lui parlerai moi-même et nous pourrons le vaincre. Quoi, vous m'en conjurez, Agis? Vous trouvez donc quelque douceur à me voir ici? Oh, je n'y attends plus que l'ennui quand vous n'y serez plus. Il n'y a plus que vous qui m'y arrêtiez aussi. Votre cœur partage donc les sentiments du mien. Oh, mille fois plus que je ne saurais vous le dire. Oh, laissez-moi vous en demander une preuve. Voilà la première fois que je goûte le charme de l'amitié. Vous avez les prémices de mon cœur. Ne m'apprenez point la douleur dont on est capable quand on perd son ami. Moi, vous l'apprendre, Agis, mais le pourrais-je sans en être la victime? Oh, que je suis touché de votre réponse. Écoutez le reste. Souvenez-vous que vous m'avez dit qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous voir toujours, et sur ce pied-là, voici ce que j'imagine. Voyons. Je ne saurais sitôt quitter ces lieux. D'importantes raisons que vous saurez quelques jours m'en empêchent. Mais vous, Faucion, qui êtes le maître de votre sort, attendez ici que je puisse décider du mien. Demeurez près de nous pour quelque temps. Vous y serez dans la solitude, il est vrai. Mais nous y serons ensemble. Et le monde peut-il rien offrir de plus doux que le commerce de deux cœurs vicieux, qui sait? Oui. Je vous le promets, Agis. Après ce que vous venez de dire, je ne veux plus appeler le monde que les lieux où vous serez vous-même. Oh, je suis content. Les dieux m'ont fait naître dans la fortune, mais puisque vous restez, ils s'apaisent et voilà le signal des faveurs qu'ils me réservent. Écoutez, aussi, Agis, au milieu du plaisir que j'ai de vous voir si sensible, il me vient une inquiétude. L'amour peut altérer bientôt de si tendres sentiments. Un ami ne tient point contre une maîtresse. Moi de l'amour, Faucion. Fasse le ciel que votre âme lui soit aussi inaccessible que la mienne. Vous ne me connaissez pas. Mon éducation, mes sentiments, ma raison, tout lui ferme mon cœur. Il a fait les malheurs de mon sang. Et je hais, quand j'y songe, jusqu'au sexe qui nous l'inspire. Moi, ce sexe est l'objet de votre haine, Agis ?